Marcus, on fait un peu froid dehors. Ah putain. Je connais un petit endroit bien sympa et tout. Ah ouais? Vas-y, viens, on va boire un verre. En plus, c'est piano bar, ambiance, il y a un petit chanteur et tout. Ah, charmé, vas-y. En plus, j'ai un peu soif. Putain, la même. Ouais, comme à l'ancienne. Tu te rappelles? Ah, tellement. Vas-y, on va se faire plaisir. T'es comment? Viens, on s'assoit, je t'offre un verre ou deux à la fois. Je parle comme je bois, ouais, ça s'entend à la voix. Oh, let's go, tout doucement. Faut qu'on parle calmement. Quand je bois, j'ai tendance à me confier. Faut que je t'avoue, le rap commence à me gonfler. J'écoute personne, tu sais comment les gens sont. On fera pas le monde avec nos chansons. Mais tu sais comment ça se passe de nos jours. On croit changer avec une claque sur nos joues. On me dit, futur proche, ça se tape dans les bacs. Non, non, c'est plutôt en stand-by dans les bars. Ma devise, un verre à la main jusqu'aux obsèques. J'écris mes couplets au rhum sec. J'taffe le level de mes rimes à la hausse. J'lève mon verre à la santé des miwanaos. C'est que nos verres sont vides, donc il faut du cola. C'est la version vide, donc conserve les gars. Prends garde à santé, garçon. C'est pour les fils, ton débarfond. C'est que nos verres sont vides, donc il faut du cola. C'est la version vide, donc conserve les gars. Prends garde à santé, garçon. C'est pour les fils, ton débarfond. Hey Marcus, mais j'plains mon verre vide. Mais t'inquiète. Mon verre plein, moi je le vide. Pas Kenny West, mais je peux toucher le ciel quand j'ai mon verre de sky. On m'a dit j'ai du style quand je suis un peu taille. J'aime refaire le monde quand je suis éméché. En étant soft, c'est dur, crois-moi, j'ai essayé. C'est vrai, j'aime boire, mais pas que pour l'état dont l'alcool me rend. Elle mène à chasser mes fantômes un peu comme Bill Murray. Donc resserre-moi un verre, rajoute un peu de coca. Là, c'est une thérapie ou un sport de contact. Si un jour ça se corse, comme ma boisson le week-end, pas de rose, mais une canette d'Enken. Allez, resserre un verre, arrête-toi quand je dis stop. L'éthanol, une drogue, pour moi un antidote. Un anesthésique pour l'opération de la vie. Souvent amnésique, après une cuite à vide. Plus d'hommes noyés dans le rhum que dans la scène. L'alcool, l'aspirine pour l'âme. C'est que nos verres sont vides, donc il faut du cola. C'est la version vide, donc conserve les gars. Prends garde à santé, garçon. C'est pour les fils, ton débarfond. C'est que nos verres sont vides, donc il faut du cola. C'est la version vide, donc conserve les gars. Prends garde à santé, garçon. Yeah. C'est pour les fils, ton débarfond. Ouais, ah, vous allez, j'ai mon verre vide. Faut appeler le garçon là. Eh, hey, barman, bien. Gros, ouais. Ressors-nous un verre, s'il te plaît. Ouais. Vas-y. Hey, nos femmes, elles vont nous voir rentrer complètement torche. Moi, je dis, je suis dans le studio. Ah ouais, moi aussi, gros. Hein. Ouais. Casser la tête. Ouais. Bon, frérot, on va porter un toast. Hein. Pour un français? Bah, je sais pas, allez, à tous. À tous, yeah. Gros, eh hey, ouais. Et vive la tease, l'ami. Yeah. Le vodka, le rhum, le sky. Et le sky.